L'Alakaï, rahimahullah, il cherche aussi l'i'tiqad à l'Usunati wa al-Jama'a. Son livre, c'est une des références à l'Usunati wa al-Jama'a dans le dogme. C'est un livre qui rassemble les preuves du dogme des salaf, selon le Coran, la Sunna et les paroles des salaf, par un imam, Ibatullah al-Alakaï, qui est du 4e siècle, si je me souviens bien. Il rapporte cette parole d'un salaf, Mutarrif Mushikhir, avec son isnad, et il dit, voilà, لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدة لقال القائل الحق فيه فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. Il dit, une parole de sagesse, il dit, si l'ahwa, les bida'a, les innovations, les égarements, étaient une, c'est-à-dire si l'innovation, il n'y en avait qu'une. Admettons, il n'y avait qu'une secte. D'accord? Les gens, ils auraient pu croire que c'était la vérité. Il y aurait une confusion. Mais quand elle sait, ces passions, ces innovations, elles se sont divisées entre elles se sont contredites entre elles et elles ont divergé entre elles, les gens ont pu ainsi faire la différence entre al-ahwa, les passions, et al-haq, et la vérité. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de l'haq. C'est que l'haq, il est un, on l'a dit. Et que le batil, le ta'addid, il est nombreux, hein, et il est divisé. Pourquoi on parle des groupes dans ce dars? Pourquoi on parle de l'bida'a ici? Pourquoi on parle des sectes égarées? À cause du danger de la bida'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'bida'a. Hein? Ils ont mis en garde contre le bid'a. Et les salafs nous ont mis en garde contre le bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Daoud, wa iyyakum wa muhdathat al-umur, fa inna kulla bid'atin dalala. Et attention aux nouvelles choses dans la religion. Et toute innovation est un égarement. Dans le hadith de Nasa'i, بإسناد صحيح, إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute nouvelle chose est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout est égarement, et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Donc ici, la question de savoir toutes ces choses-là, de ne pas faire partie des 72 sectes, de ne pas être parmi les gens de l'innovation. Ici, c'est une question primordiale qui est liée à l'enfer et au paradis. Qui est liée à l'enfer et au paradis. Donc le deuxième point, la deuxième caractéristique des gens de l'haq, c'est le 7 qui suivent le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils prennent garde aux innovations. Et ça, particulièrement dans le tawhid, dans l'aqidah. C'est-à-dire qu'ils ont une aqidah qui est tirée directement du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit à partir du hadith 72 sectes, des compagnons et des salafs. Regardons maintenant les groupes. Parmi les groupes présents à notre époque, qui se prétendent Ahl-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna et de l'Jama'a, on peut compter 5 groupes. On ne s'attardera pas sur le 5e. Le premier groupe, l'ikhwan al-muslimin, les frères musulmans. Les frères musulmans, ils ont été fondés par Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, c'est une personne qui est née en 1324 de l'Égypte. 1324 de l'Égypte. Et qui est mort, assassiné, en 1368 de l'Égypte. On ne va pas faire une histoire détaillée des frères musulmans. Leur fondation ne nous intéresse pas. Pour résumer, ça correspond par rapport à. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il a fondé. Il a fondé Al-Ikhwan, il a fondé les frères musulmans en 1928. 1928, en Égypte. Donc c'est une jama'a, c'est une tendance qui est ancienne, mais pas tant que ça. D'accord? Si vous êtes face à l'Ikhwani, sans référence, ce sera avant tout Hassan al-Banna. Votre référence à vous, ce sera avant tout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'accord? Même si officiellement ils disent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Mais en réalité, ils suivent tout ça selon la compréhension de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna. Quelle est la da'wah des Ikhwan? Parce que les Ikhwan sont apparus en Égypte en 1928. La situation du monde islamique était catastrophique. Beaucoup de pays musulmans, du point de vue de l'Aqida, étaient remplis de shirk, de l'adoration des tombes. Ajoutez à cela, pour l'Égypte particulièrement, un autre shirk, c'est que l'Égypte était gouvernée par des lois humaines. L'Égypte était gouvernée par des lois humaines. L'Égypte est le premier pays à avoir mis en place un dostour, une constitution sur le modèle des pays européens, c'est-à-dire forgé, ni basé sur le Coran, ni basé sur la Sunna. Du shirk, de l'adoration des tombes, du soufisme pour l'Égypte, plus de la laïcité, du shirk dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu que la première caractéristique de ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'appeler au tawhid. Est-ce que Hassan al-Banna a appelé au tawhid? Est-ce que les Ikhwan ont appelé au tawhid? Non. Leur but, ça a été de fonder une organisation qui rétablirait le califat. Qui rétablirait le califat. Comment rétablir le califat? En se basant sur la règle de Hassan al-Banna qui l'a fixé. C'est-à-dire l'union des musulmans. Il faut unir les musulmans. En se basant sur cette règle, فَلْنَعْمَلْ فِي مَا اتَّفَقْنَ عَلَيْهِ وَلِيَعْظُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِي. Nous devons agir selon ce sur quoi nous sommes d'accord et nous excuser sur ce sur quoi nous sommes en désaccord. Ça, c'est la règle de base sur laquelle sont basés les Ikhwan jusqu'à notre époque. Ça veut dire quoi? On s'unit avec toute personne, quelle que soit sa aqida, quel que soit son minhaj, quel que soit même parfois son din, puisqu'il est prouvé et établi qu'il y avait des chrétiens parmi les premiers frères musulmans. Tout ça, ça s'oppose avec ce qu'on a écrit, appris précédemment, ce que vous avez appris, ce que vous lisez, tout, lisez tous les jours dans le livre d'Allah, à Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance pour Allah et le désaveu pour Allah, le fait d'aimer pour Allah et de se détester pour Allah. Hassan al-Banna, il raconte lui-même, dans son Majmou' al-Trasa'il, dans des épîtres qu'ils ont rassemblés, puisqu'il a eu des livres, il a des livres, il a des livres de Aqida, il a des livres de. Il a écrit sa biographie. Il raconte, il dit, Kunna fi kathiri min ayam al Jum'a, allati atasadafu an naqdiha fi dam nhur, naqtarihu rihlatan li ziyarati ahad al awliya al aqrabina min dam nhur. فكنا أحيانا نزور الدسوق فنمشي على الأقدام بعد صلاة الفجر مباشرة حتى نصل حوالي الساعة الثامنة صباحا فنقطع المسافة في ثلاث ساعات. Il raconte comment, à la page 30 de مجموعة رسائل, comment il allait visiter les tombes des saints. Vous me direz, visiter les tombes, c'est pas interdit, non? C'est pas interdit de visiter les tombes. Mais visiter des tombes qui sont en Égypte, il parle de la tombe de Dusuqi, des lieux de shirk, qui sont construits, que les gens invoquent, quand j'en fais l'istirafa, sans avoir ne serait-ce qu'une une lettre pour dire que cette chose sont du shirk, ces actes sont du shirk, et que les gens qui font cela sont des mouchikins, et tout cela fait partie de le kofr de Tarot, ça nous donne une idée sur la croyance de cette personne. Il nous dit dans le même livre, وأذكر أنه كان من عاداتنا نخرج في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى ثاني عشر منه ونحن بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام ومن القصائد هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيما قد مدى وجرى. Il nous raconte ici comme quoi il participait aux célébrations de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma hukma hada bid'a. Il participait à des bid'a. Ça nous donne une idée de la croyance du personnage. Et il dit en plus, et nous disions les poèmes, nous chantions les poèmes suivants, et il nous cite un poème dans lequel il dit, lors du maulid, ils disent, هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. Et le bien-aimé, avec ses bien-aimés, est apparu. Il est présent lors du Maulid. Il est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est dans sa tombe. Non, Al-Banna, il dit qu'il est présent lors du Maulid. Et qu'est-ce qu'il dit? وَسَامَحَ الْكُلَّ فِيمَا قَدْ مَضَى وَجَرَى. Et il a pardonné à tout le monde tout ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent lors du Maulid. Et qu'il pardonne. Pour ceux qui sont présents. C'est une croyance de choc. C'est une croyance de choc. Il s'est rapporté aussi par Mahmoud Abdel Halim dans son livre L'Ikhwan al-Muslimoun Ahdath Sana'at al-Tarih. Il raconte comme quoi le Banna allait sur le tombeau de Sayyid Zainab, qui fait partie des plus grandes idoles adorées en Égypte à notre époque, encore. Et à son époque. Le plus grand tawarit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le Maulid. Et qui sont rassemblés ici, à cet endroit-là, avec l'Ikhwan. Ça, ça donne un exemple. Est-ce que cette da'wa est une da'wa de haqq? Toi qui te demandes quel groupe est la vérité, est-ce que tu penses que l'Ikhwan font partie de l'haqq? Des gens qui ont été, un groupe qui a été fondé sur des règles telles, pas de da'wa de tawhid, participer aux innovations, et participer aux cérémonies du shirk avec les mushrikin. Hein? Est-ce que ça c'est la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça c'est la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a? Parmi l'Ikhwan, ils fonctionnent, encore une fois on peut faire un dars détaillé sur l'Ikhwan, quoi que ça peut être fait, mais ils fonctionnent sous l'autorité d'un murshid, c'est-à-dire le guide, le chef suprême des Ikhwan dans le monde est un murshid, le murshid al-Aam. Parmi les Murshid al-Aam qui se sont succédés à la tête de l'Ikhwan, parmi eux il y a Hassan al-Banna, il y a ensuite Hassan al-Hudaybi, c'est pas grave les noms, il y a ensuite Omar al-Misani, et ensuite Hamid Abu Nasr. Omar al-Misani, qu'est-ce qu'il nous dit Omar al-Misani? Il a des paroles comme dans son livre Shahid al-Mihrab, il dit: فلا داعي للتشدد في النكير على ما يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة

les Wahhabis ne sont pas musulmans. D'accord? Ce groupe est clair pour toute personne qui les a connus un tant soit peu et qui a un minimum de fitra ou de connaissances islamiques, que ce groupe est un groupe d'égarement et en réalité, comme nous l'avons dit, un groupe de méfiance. Le quatrième groupe, Hizb al-Tahrir, le Parti de la Libération. Ce groupe n'est pas très connu, Hizb al-Tahrir, il n'est pas très connu en France, car il est peu présent. Mais il est très présent en Angleterre, par exemple, et en Allemagne. Hizb al-Tahrir est assez proche, on va dire, des frères musulmans. Et il est contemporain. Le Hizb a été fondé par Taqiyuddin al-Nabahani. Taqiyuddin al-Nabahani. Qui est né en 1326 de l'Hijra, qui est mort en 1397. Qui correspond à 1908-1977. Il est né en Palestine. Et il s'est retrouvé lors de la Nakba, lors de la catastrophe, c'est-à-dire l'invasion de la Palestine par les armées sionistes en 1948. Il s'est retrouvé exilé au Liban. Il a mis en place son hizb, son parti, en 1952. Al-Nabahani, le but du hizb, c'est rétablir le khilafa, le fait de rétablir le califat. Le but du Hizb, c'est isti'naf al-hayat al-islamiyya an tariq iqamat al-dawla al-islamiyya fi al-buldan al-arabiyya awalan thumma al-khilaf al-islamiyya. Le fait de faire revivre, de remettre la vie islamique par le rétablissement du califat. Est-ce que c'est un but noble ou là-là? Un but noble, obligatoire. C'est une obligation. Pour nous comprendre. Les moyens, par contre, et la croyance mise en... Mis en place, par contre, est très très très douteuse. Les gens du Hizb sont des gens politisés. D'ailleurs, ils considèrent le Hizb comme étant un parti politique. C'est-à-dire que le Hizb aura plus tendance... La personne du Tahrir aura plus tendance à parler de politique qu'à parler de aqidah, de tawhid, de fiqh. Et malgré tout, et avec tout cela, ils ont eux-mêmes des égarements dans l'aqidah. Puisque dans les programmes dispensés aux membres du Hizb, il y a des erreurs de aqidah, particulièrement dans la définition de la foi, qui est la définition de l'murji'a et de l'jahmiyya. Le problème de Hizb al-Tahrir, c'est que Hizb al-Tahrir, en plus d'avoir la croyance des murji'a, qui implique le fait qu'ils ne font pas le takfir sur les gouverneurs, les tawarites, les gouvernements tawarites, qui s'approprient le droit de légiférer en dehors d'Allah, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a pas à ordonner le bien, interdire le mal, qu'il n'y a pas de djihad tant qu'il n'y a pas de califat. C'est-à-dire qu'ils veulent rétablir le califat par des moyens politiques, pas par la démocratie. Ils sont contre la démocratie et le fait de participer aux élections, quoique la branche de Hizb al-Tahrir en Tunisie avait décidé de se constituer comme parti. Mais en général, ils considèrent que la démocratie est du coup. Mais, ils ne voient pas non plus al-jihad fi sabilillah comme moyen pour établir le califat et ils trouvent ridicule le fait de s'attribuer à l'aqidah des salaf, etc., etc. Il est donc clair que ce groupe est un groupe de bid'a comme ceux qui l'ont précédé. L'Ahbash est un groupe de couple Il reste un cinquième groupe, une cinquième tendance qui est présente parmi les gens et qui regroupe un nom global et qui se nomme As-Salafiyya, la Salafiyya. Les gens qui prétendent suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des Salaf Salih. Cette salafie, il y a au moins trois groupes de gens qui s'y prétendent. Des prétendants à la salafie. On va voir si cela c'est vrai. Le premier, c'est que certains nomment la salafie al-ilmiya, la salafie scientifique, la salafie taqlidiya, la salafie traditionnelle. Et on attribue généralement les trois savants contemporains Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani. Parce que ceux qui prétendent croire ce courant, qui prétendent suivre ce courant, particulièrement les élèves de l'Albani, certains, les cheikhs d'Arabie, parmi lesquels, Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali et d'autres. Ce groupe-là, il se caractérise par l'attachement théorique au livre d'Allah, à la Sunna, à la compréhension des salafs, au livre des ulama, comme les livres des salafs, les livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Abdul Wahhab. Et dans la pratique, ces groupes-là sont en général infectés par le virus de l'Irja, par la croyance des Murji'a, comme certains de leurs têtes, particulièrement l'Albani. L'Albani qui déclare, entre autres, يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجا عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا. Il est impossible que la mécréance faite par les actes fasse sortir de la religion, sauf si cette mécréance est liée au cœur du mécréant. C'est dans sa cassette al-kufr. Et ça, on a déjà vu dans les doulos précédents de l'imam, c'est pour ça que je passe de manière résumée, comme quoi c'est la croyance d'une secte égarée qui se nomme al-Jahmiyya. Et que pour al-Sunna, comme la personne a besoin pour être musulmane de la croyance du cœur, de la parole, de la langue et des actes des membres, il peut sortir de l'islam par une croyance, une parole ou un acte. Et ça, c'est clairement dit dans le Coran, lorsqu'Allah dit يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, alors qu'ils ont dit la parole de mécréance et mécru après avoir eu la foi. Et dans l'explication de Naraq de l'Islam, l'Ashra, l'examination de l'Islam, vous avez vu clairement que ça comporte des croyances, des paroles, des actes de mécréance, et que ces questions-là sont des questions basées sur le Coran, la Sunna et l'Ijma'a. La deuxième tendance, on va voir après. Hein. La deuxième tendance, ce qu'on appelle As-Sururiyya. As-Sururiyya, c'est une tendance qui se dit Salafi. Et qui ont été, et on l'appelle Sururiya, ses ennemis l'ont appelé Sururiya parce qu'elle est basée sur une personne, un homme qui s'appelle Muhammad Surur Zinul Abidin. Muhammad Surur Zinul Abidin, c'est un Syrien. Il est né en 1938. Il est encore vivant. صلى الله يحفظ المسلمين من شره. C'est une personne qui a été pendant des années membre des frères musulmans. C'est ça la réalité. La réalité de Sururiya, c'est que c'est des gens qui ont une apparence de la salafia, des références de la salafia qui vont citer Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab, qui vont être barbus et qui vont avoir des habits au-dessus de la cheville, mais qui auront le menhaj de l'Ikhwan al-Muslimin. Menhaj de l'Ikhwan al-Muslimin. Comment ça se traduit? C'est que les élèves, Mohamed Sourour, déjà comment il a répandu sa da'wa, c'est lorsque les frères musulmans ont été massacrés en Syrie, il s'est réfugié en Arabie. Et en Arabie, il a commencé à tisser sa toile. Et à faire da'wa à des jeunes. Parmi ces jeunes, il y avait deux personnes très connues, Salman al-Aouda et Safar al-Hawali. Ces deux personnes, généralement, on les attribue à la tendance djihadi, alors que c'est faux. Ce sont des sururis. Bon. L'une des différences avec Al-Haq, c'est que, par exemple, on va y venir à ces questions-là, ils voient tous les deux la participation aux élections démocratiques. Le même sourour. Tous, ils ont un discours changeant en fonction de l'intérêt politique. C'est-à-dire que c'est pas une salafia aqadiyya. C'est une salafia politique. En fonction des circonstances politiques, ils vont traiter les hukam de tawarid et ils vont considérer qu'ils sont musulmans en fonction de leur intérêt politique. En fonction de leur intérêt politique, ils vont appeler au djihad dans certains endroits et dire que dans d'autres endroits, le djihad est une fitna. Ils nous ont fait, considérant que le djihad en Afghanistan, parce qu'il était avec l'autorisation du gouvernement d'Arabie Saoudite, est béni par les services secrets saoudiens, pakistanais, américains et occidentaux, était un djihad. Et lorsque le djihad s'est retourné contre les tawarides, par exemple en Algérie dans les années 90, c'était une fitna. Les Sururiya, aujourd'hui, sont très actifs. Et ils ont une technique qui est le fait de prendre le contrôle de jeunes chouyours, aimés par les gens, respectés. Ce sont des dossiers qui ont été mis à jour, par exemple, par les personnes de la première tendance, avec le Mourji'a, le Madakhila. Et on peut leur faire confiance sur ce coin-là, parce que la première tendance, Al-Madakhila, mais aussi Al-Sururiya, marche main dans la main avec les services secrets en général, les Tawarid, particulièrement les services secrets saoudiens. Après un petit temps de brouille, ils se sont brouillés le temps de la guerre du Golfe, et les têtes de la Sururiya en Arabie ont fait un peu de prison, Salman, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni, Nasser al-Omar, des chouïrs connus. Alors, ils ne sont pas vraiment traduits en français. Ces chouyours de la Sururiya, Salafiya, Mutakhawina, Al-Khwanjiya, ont fait un peu de prison au moment de la guerre du Golfe, peut-être, pour les montrer aux yeux des gens comme des gens courageux. Vous comprenez? C'est une technique. On peut faire un peu de prison à des gens, puis on les fait sortir. Et comme ça, disaient ces gens-là, c'est dans les pays arabes particulièrement, ces gens-là, ils n'ont pas peur. Ils disent Al-Haq. Puis quand ils sortiront de prison et qu'ils diront Al-Batil, les gens croiront que c'est encore Al-Haq. Parce que cette personne-là, Al-Haq, il dit Al-Haq. Et pendant qu'eux, ils sortaient de prison, et que maintenant on les voit partout à la télé, sur les chaînes de l'Imaniyin, comme NBC, Salman, Nasser al-Omar, etc. D'autres chouyours sont eux toujours en prison depuis de nombreuses années. Parmi eux, Cheikh Ali Khader, Cheikh Walid Sinani, et d'autres. Ils ont pris le contrôle de jeunes chouyours à notre époque, qui étaient aimés par le courant des gens qui sont pour le djihad. On va y venir. Parmi eux, deux chouyours, Sulayman al-Ulwan et Abdelaziz al-Tarifi. Les deux, nul ne peut leur mettre en cause, particulièrement Al-Ulwan, leur science, au niveau du hadith, au niveau de l'aqidah. Et Al-Ulwan a en plus